Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Alors, est-ce que tu préfères Budapest, Moscou, Dubaï, Mumbai ou Seattle? Oh, Budapest. Budapest. I feel the need for speed. I want the truth. First, take a big step back and literally fuck your own face. All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect. The cock. I'm a Vietnam veteran. Anchor Man does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You. Don't be funny. Complete me. It's your last chance to walk away. Bonjour et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Aujourd'hui, épisode numéro 32. Ooh. Et comme le souligne cette petite musique, nous allons parler de Mission Impossible Ghost Protocol, Mission Impossible Protocol Fantôme en français, sorti en 2011 et réalisé par Brad Bird, où Tom Cruise joue le rôle d'Ethan Hunt. Bah oui. Très très surprenant. Donc quatrième épisode de la saga Mission Impossible. Oui. Où on va encore voyager. C'est voyage un peu. Voyage, ouais. C'est ça. Serena, avant de démarrer le résumé, est-ce que tu avais déjà vu ce film? J'imagine que oui. Mais oui. Que tu l'as vu moult fois. Moult fois. Que le DVD est coincé dans ta platine DVD tellement ça tourne. Oui, faisons-moi. Par contre, j'étais pas super emballée de le voir. Ah mince. Parce que à chaque fois avec l'émission Impossible, c'est hyper dur de prendre des notes pour les résumés parce qu'il y a plein de choses qui se passent tout le temps. Ah, c'était technique là. Et c'était très très long. Je pense que j'ai mis les doubles du temps. Je vois, j'ai mis 5 heures pour finir ce film. Voilà. Et toi? Ah oui, dis donc. Ouais, ça a pris du temps. Bah moi j'ai mis 2 heures comme le film. Regardez, enfin normal. Je prends pas de notes. Hein. Bah oui, mais non, mais c'est que il y a plein de termes spécifiques. Et oui. C'est un tas de détails, tout ça, juste pour sauver le monde. Ouais, voilà. Bon, ouais. Après, c'est important. Quand même. Moi, je l'avais déjà vu plein de fois. T'avais envie de le revoir? Ouais, je suis toujours content, moi, de revoir Mission Impossible. Et en plus, j'étais à me dire, bon, là, maintenant, en fait, quelle est le mission possible que je préfère, tu vois? Oui. Et donc, avant de regarder le film, c'est ça qui est rigolo, tu te dis, ah ouais, dans celui-là, il y a cette scène-là. Et en fait, tu t'en oublies toujours. Donc, c'est je suis content, j'aime bien. Ouais. Voilà. Hop là, fin de la musique, c'est parfait. Waouh. On est fin, hein. Ouais. Alors, du coup, on va s'attaquer le résumé. Résumé simple, hein. J'ai envie de dire attaque nucléaire. Empêchons cette attaque nucléaire. Allons-y. Allez, on part sur ça. Nous commençons cette histoire à Budapest. Un homme sur un toit d'une gare. Oui. Marche sur les toits, il court, il est suivi par 2 hommes avec des pistolets qui lui tirent dessous. Il touche un petit truc bizarre, une petite machine chelou. Oui. Il la jette dans le vide, il se jette dans le vide derrière, il fait un tour, il se tourne, il tue les 2 hommes qui sont derrière de lui. Il tombe sur ce petit objet qui est devenu un matelas gonflable. Meilleur gadget. Roulade, il tue un autre homme, il prend son sac, il a un petit sac à main, sacoche. Une sacoche. Il a une sacoche, il marche dans la rue, il voit une nana super jolie qui vient vers lui avec des talons, il fait hey, presque, tu vois, il lui sourit, la nana elle s'approche, pouf, pouf, il le tue et elle prend son sac. Ouais. Et elle se casse. Moscou, cut. Moscou, dans la prison, dans une prison, pas spécifié pour l'instant. On voit un camion à l'extérieur de la prison. Et il y a Benji, Simon Pegg, le technicien de Mission Impossible d'avant, et informaticien, qui est dans les camions. Il a plein d'écrans, il voit toutes les caméras, il contrôle tout. À l'intérieur de la prison, on voit un homme de dos qui lance une pierre contre le mur. Mais qui sera-t-il? On ne sait pas encore. C'est Steve McQueen. J'ai vu ce film. C'est vrai. Benji, il hack les caméras de la prison et il commence à ouvrir une porte de prisonniers. Il y a un gros prisonnier méga baraque qui sort. Les gardiens, ils le voient. Ils ouvrent et ils passent pour refermer les prisonniers à sa porte. Benji, il ouvre une autre porte. Il y a 10 prisonniers qui arrivent. Et là, bagarre. La bagarre, ça commence. Il y a plus de gardiens qui arrivent. Il y a plus de prisonniers qui sont sortis. Benji émeute, fait sortir plein de trucs. Jusqu'à ouvrir la dernière porte, qui est celle qui l'intéresse vraiment, qui est la porte de... Tom Cruise. Ce qui est d'ailleurs assez rigolo, la porte s'ouvre et c'est comme si tout d'un coup la lumière rentrait dans la prison, tu vois, ça fait ouais, c'est hyper joli. Une vision un peu christique. Et d'ailleurs, une musique est lancée dans l'air. C'est une musique, je sais plus qu'est-ce que c'est. Je me rappelle plus les titres. Eh ben c'est pas Dean Martin. Peut-être, je sais plus. Je sais plus exactement. Ah oui, c'est vrai. Ouais, il y a une musique dans l'air. Je cherchais. Tom Cruise, il entend ça, il fait ah, c'est mon signal. Il sort de la prison, il regarde. Et une autre porte s'ouvre à l'opposé de la bagarre pour qu'il puisse sortir. On voit entre-temps une nana, l'agent Carter, qui est dans les égouts et qui est en attente de Tom Cruise. Benji lui dit « Oui, il va arriver, t'inquiète. » Tom Cruise, à la place d'aller à la place, vers la porte, il va dans le sens opposé, là où il y a la bagarre qui se passe. Benji ne veut pas lui ouvrir la porte pour le faire passer. Bon, petite scène assez rigolote. Tom Cruise, il arrive à passer. Tommy. Il sort, il prend quelques prisonniers, il fait la bagarre avec les autres et il va dans une cellule où il y a un mec sous un lit. Il dit « Bogdan, c'est le moment de partir. Allez, viens. » Le mec, il est terrorisé. Oui. Pardon. Et d'ailleurs, Bogdan, il appelle Sergueï. Sergueï, qu'est-ce que tu fais ici? Donc, il prend Bogdan, il répare dans l'autre sens. On comprend qu'il doit arriver au point de rendez-vous avant que la musique s'arrête. Donc, il a très peu de temps. Bagarre. Il arrive à l'endroit. Bogdan, il arrive à être avec lui. La nana, donc l'agent Carter, elle met une machine de ouf malade. Elle pousse un bouton, la machine désintègre, pulvérise les sols. Il y a un méga trou, tyrolienne, Bogdan, tyrolienne, Tom Cruise, puis il rentre dans les timings de la chanson et s'échappe. Par les égouts ou souterrains? Par les égouts, ouais, je pense que c'est les égouts. Ouais, souterrains, égouts. Et musique. Attends, parce qu'il lui dit allumer la mèche. Donc, agent Carter allume la mèche. Et c'est parti. Et oui. Générique. C'est la première fois qu'il y a, dans un des films Mission Impossible, la mèche qui s'allume. Ce qui était dans la série, mais pas dans les films. Et là, c'est générique, encore des séries, je dois dire. Il montre plein de scènes. Trop chelou. Moi, c'est toujours ça. Les génériques des Missions Impossibles, tu vois toutes les scènes dans le générique. Du film. Ah bah oui. Et là, tu dis, on va s'attendre à des grandes choses. Parce qu'il y a des voitures dans l'eau, des hélicoptères, des marées. Tu as l'impression que c'est des fêtes indiennes. Tu dis, what the fuck? Bam! On est dans les camions, donc avec Benji, Tom Cruise, Bogdan et l'agent Carter. Bogdan, il est transféré sur une autre camionnette. Et Tom Cruise, il demande, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Si vous m'avez libéré, c'est qu'il s'est passé un truc de grave. L'agent Carter explique qu'elle était la responsable d'une opération qui avait l'air super simple, récupérer des dossiers d'un mec, d'un coursier. Elle est avec l'agent Hanaway, qui est mort. Donc Tom Cruise demande. En gros, les dossiers, c'est ce qu'on a vu presque au début du film. Il a pris le dossier, c'était très simple, mais il y avait plein de gens qui voulaient récupérer les mêmes dossiers jusqu'à cette fameuse nana qu'il a tuée sur la fin. Donc, on voit les flashbacks de l'agent Carter qui arrive sur l'agent Hanaway. Et petite scène chelou. Le mec, il dit, tu es très belle. Ils étaient amants et qu'il a regretté de ne pas avoir eu une histoire, je pense, avec elle. Elle pleure. Benji était sur les coups aussi. Oui. Parce qu'entre-temps, il a passé l'examen pour aller sur les terrains. Ça, c'est assez bravo, plaisant. Benji. Bravo. On est très fiers de toi. Et en fait, sur son portable, il avait détecté cette femme, donc qui s'appelle Sabine Moreau, et avec écrit tueuse à gages. Et l'agent Carter, il montre à Tom Cruise, tu sais qui c'est cette nana? Il dit, oui, c'est Sabine Moreau, tous les agages. Elle écrit. S'est fait toujours payer un diamant. J'ai trop ri à ce moment. Ça fait vraiment un Lupin, quoi. C'est trop bizarre. Donc, Sabine Moreau, apparemment la Française qui s'est fait payer un diamant, bien sûr. Très connu. Classique. Bah, ouais. Donc, il dit, ah oui, c'est intéressant parce que on sait, l'agence, donc Tom Cruise explique, l'agence cherche depuis longtemps un extrémiste qui s'appelle non-décode Cobalt. Et on sait que la Sabine Moreau était son agent. Un de ses contacts. Un de ses contacts. Et il dit, mais qu'est-ce qu'il y avait dans les dossiers ? Des codes nucléaires russes. Oh non ! Oh non ! Ah, ça sent pas bon, ça. Donc, Cobalt devient l'ennemi numéro un. Ah bah là, oui. Ils arrivent à une cabine téléphonique, toute pétée. Il fait un code chelou. La cabine s'ouvre. Il y a un écran hyper technologique. Anecdote, le code, c'est sa date d'anniversaire. Voilà. Ça, qu'elle est 3 juillet 1962. 62. Et c'est ça. En fait, il doit faire 7, 3, 6, 2. Voilà. Ça fait plaisir. Donc, contrôle rétinien. Nouvelle mission pour Tommy Tom. En gros, il dit, l'agence a découvert que Cobalt était un stratège de la guerre au Kremlin. Donc, la seule façon de savoir ce qu'il y est, parce que personne ne sait qui il est. Et oui. Ils savent qu'est ça, qui s'appelle Cobalt, et que Sabine Moreau travaille pour lui. Donc, la seule façon de savoir qui il est, c'est de récupérer dans les archives du Kremlin informations sur lui. Donc, Cobalt, il est déjà en route parce qu'il veut détruire ses infos. Mmh. Donc, l'équipe a 4h52 minutes pour y arriver. Sinon, c'est pas drôle. Facile. Et en fait, il doit infiltrer les Kremlins sous l'apparence du général Anatoly Fedorov. Bon, on s'en fout. L'avantage qu'il y a, c'est que pour une fois, ils sont sur place, ils sont déjà à Moscou. Voilà. Kremlin, c'est moins loin. Tu vois, ça pourrait être, oui, il faut finir ça en 4 heures, mais c'est en Australie. Tu vois, ça aurait été relou. Oui, là pas possible. Franchement, mission pas si impossible. Et l'équipe est déjà sur place parce que l'équipe attribuée, c'est Benji et Carter. Ils ont le matos, ils ont tout. Carter, nom de code Puma. Donc, ah, oui. À partir de maintenant, je l'appellerai Puma, okay. Benji, si ça vous va. Allez. Voilà. Donc, on est au Kremlin. Tom et Benji rentrent au Kremlin habillés en militaire. Militaire, généraux et tout ça. Les documents sont contrôlés par un dispositif électronique, ils arrivent à passer. Ça, par contre, c'est super beau. Ils arrivent dans l'endroit des archives. Mais oui. Il y a un garde qui regarde au fond du couloir. Donc, ils arrivent à ouvrir un méga écran. J'adore ce truc. Un écran toile. Et qui projettent l'image du fond, eux ils avancent avec l'écran. Si vous avez le temps, regardez cette scène. Et qui parce qu'elle est trop bien. Le regard du garde pour toujours adapter la perspective à son regard. D'une statue qu'elle est de l'autre côté. Ouais. Donc ils arrivent au niveau des archives. Tom rentre. Il arrive à trouver les archives, les dossiers, ouais, là, les bobines qu'il cherchait, mais sont vides. What? Et Traquenard. Ils entendent dans leur fréquence radio un homme qui dit : j'ai ce qu'il me faut. Vous pouvez faire partir l'explosion. Un truc comme ça. Ouais. Faisons la bombe ou l'explosion. Ouais, ouais. Tout le monde entend ça, parce que c'est sur la même fréquence. Donc Les gardes aussi l'entendent, la fréquence. Oui, oui, tout a été piraté. Donc les gardes, ils flippent. Oui. Tom Cruise et Benji, ils flippent. Elle aussi. Donc ils commencent à courir, ils se divisent. Tom Cruise, il fait un truc de malade, il change des vêtements, il devient un touriste américain en 2 secondes, il arrive à sortir et tout ça. Il saute, explosion, mais genre explosion. Le Kremlin explose. Et la place la aussi place devant. Explose. Tout explose. Beaucoup. Et il s'évanouit. Il se retrouve à l'hôpital. Tout de suite, quand il se réveille, il y a un policier russe qui lui dit on a entendu que c'est des Américains qui ont parlé en anglais, donc pour le dire l'explosion. Vous aviez ça sur vous, donc il montre la veste de généraux. Oui. On sait que c'est vous. Il est menotté à son lit, donc il ne peut pas se libérer. L'infirmière le prend quand même pour faire les contrôles, disons, pour voir s'il est vivant. Quoi. Il arrive à choper une agrafe du dossier. Un petit trombone du dossier. Trombone, voilà, ouais. C'est pas grave. Autre trombone. Il se libère des manottes. Il arrive à sauter sur la corniche, sur le toit. La corniche du bâtiment. Il saute avec sa ceinture en tyrolienne. Ouais, par les fils électriques. Pour rebondir sur un camion. Il rebondit sur un camion, il s'en sort. Les policiers le suivent, mais bon, il n'arrive pas à l'attraper. Il vole des vêtements, il vole un portable, il appelle l'agence. Il dit, j'ai besoin d'une évacuation. Entre-temps, dans une maison... C'est dense, au milieu et ça, c'est le premier quart d'heure. Hein. Ah ouais, c'est très hyper dense. Et je l'ai bien résumé. Ouais. T'as réduit au max. Entre-temps, dans une maison en Russie, sûrement à Moscou, un homme regarde à la télé, les JT, et voit l'explosion au JT. Et dit, Anna, sa femme et son enfant, il faut partir en vacances, ouais. Il faut partir tout de suite. Il les appelle, Anna, non. Et en fait, il y a l'homme, j'ai oublié de dire qu'en fait, Tom Cruise et l'homme qui a déclenché l'explosion, donc on imagine Cobalt, ils se croisent au couloir quand Tom s'échappe. Dans le Kremlin, c'est vrai. Et c'est même homme, du coup, que nous, on l'a vu à ce moment-là. Il est dans cet appartement et il prend le mec. Mais sachant que Tom Cruise, il ne sait pas que c'est lui Cobalt, il l'a juste croisé. Et il nous, le croise on et nous le voit. On le sait, mais voilà. OK. 4. Donc, Cobalt, il a récupéré Semen. Cet homme, Semen. Le mec. OK. 4. Tom Cruise, il est évacué. Il rentre dans une voiture et il y a les ministres de la Défense, je crois, de l'Intérieur. De la Défense, c'est bien. Dans l'intérieur, avec un jeune acolyte qui est présenté comme analyste en chef, William Brandt. Jérémy Renner. Jérémy, qu'on appellera à partir de maintenant Jérémy. Donc, Tom Cruise dit, tu es analyste, tac, tac, tac. Il dessine le portrait sur sa main du mec qu'il a croisé dans les couloirs. Portrait hyper précis, dessiné au bic dans le creux de la main, c'est fou. 1m80, machin, qui pourrait être. Et l'analyste, il dit... Kurt Hendricks, un fou qui est convaincu que le nucléaire doit exploser, qu'il doit y avoir la troisième guerre mondiale. Pour tout régler, il faut qu'il y ait une troisième guerre. Voilà, c'est lui. Et alors, c'est Cobalt, c'est sûr. Je l'ai vu sortir du Kremlin avec un gros sac, donc il y a un bombe atomique, un truc pour contrôler les trucs atomiques. Un ordinateur pour les codes. Voilà, pour les codes. Et un agent à lui a les codes de lancement. Là, lui, il a l'ordi et elle a les codes. Si les deux sont ensemble... Et badaboum. Donc, il faut absolument prévenir les Kremlins. Les ministres disent non. Là, on est dans la merde parce que tu as été sur les lieux du truc. Donc, le président a décidé qu'il va désavouer tout l'IMF, toute l'agence. C'est le protocole fantôme. Les protocoles fantômes. Pardon. Non, c'est pas grave. Et donc, maintenant, à partir du moment, il n'y a plus personne. Il n'y a plus de satellite. Et toi, ce que tu peux faire, soit tu rentres avec nous et tu te fais inculper, soit tu vas dans une planque qu'on a oubliée en Russie, où il y a des armes et tout ça, tu essaies d'arrêter cet Hendricks. Oui, et en plus, il lui dit le truc. En gros, il lui donne une mission. Oui, tout en disant, il ne faudrait surtout pas que tu trouves une planque où il y a le matériel, que en plus, tu appelles tes anciens collègues et que tu ailles le chercher. Il ne faudrait surtout pas faire ça. Mais voilà. Mais donc, bon, il lui donne une clé USB avec la mission en dessous. Et là, pam, pam, pam, et des tireurs tirent sur la voiture. Les ministres, morts. Chaos. Direct. Trop triste. Les conducteurs aussi. La voiture fait un 3... Elle des tonneaux. Des tonneaux. Elle tombe à l'eau. C'est ballot. Tom et Jérémy survivent. Tom et Jérémy, c'est mignon. Et Jérémy survit. Donc, ils sont dans l'eau, comme ça, respirent les dernières peu d'air qui restent dans la voiture. Ils essaient de s'échapper. Les tireurs qui tiraient sur eux tirent partout dans l'eau. Ils n'arrivent pas. Bon, Tom, il arrive à s'en sortir. Oui, il fait une... Avec un cadavre. Un cadavre qu'il envoie avec une lumière de secours pour faire diversion. Voilà. Les policiers donc, russes arrivent et disent « Arrêtez les feux, mais vous savez sur qui vous tirez ?» Parce qu'ils savent qu'il y a le ministre. Donc, ils s'arrêtent. Alors, une petite anecdote assez rigolote quand même, que le ministre de la Défense, il donne une mission à Tom Cruise et il meurt 5 secondes après. Et souvent, dans les missions impossibles, c'est ce message s'autodétruira dans 5 secondes. Wow. Donc c'est comme, c'est hyper drôle. C'est hyper drôle, hein, enfin, drôle, tu vois. C'est-à-dire qu'on lui donne une mission et le messager, la machine, se détruit. Ah, c'est drôle. Donc, les policiers, entre-temps, découvrent que Tom Cruise est sorti de la prison. Ils voient qu'un autre prisonnier a évadé au même moment. C'est Bogdan, donc il va le chercher. Tom Cruise et Jeremy. Bon, écoute. Ils se retrouvent là où il y a la planque. C'est un train qui est en mouvement, le numéro 42. Mais par contre, il est sur les départs. Et pour pouvoir accéder à la planque, il faut faire les contrôles rétiniens. Scène très rigolote. Ils y arrivent, ils montent. C'est une planque des ouf malades. Ouais. Il y a des armes partout, des écrans tout blancs. Et il y a Carter, Apple Store, et le truc. Puma et Benji. Donc, les nouveaux plans, c'est, en gros, on voit des images de Hendrix qui dit il faut détruire les mondes pour que ça, une nouvelle phase de paix réellement naisse. Un peu mégalo, c'est un peu quoi. Le truc Thanos. Voilà. Genre, on éradique la moitié du monde pour que, en fait, après, tout le monde vive bien. Pour l'évolution, ça se passe mieux. On sait que Moreau, donc Simone Moreau. Sabine Moreau, pardon. Sabine Moreau. Je peux l'appeler Simone. J'écris si Simone à partir de maintenant. Sabine Moreau. Va au. Dans 36 heures, elle sera à l'hôtel Bourges à Dubaï. Oui, à la Bourges Khalifa, l'hôtel. Ah ouais, oui, la tour. La tour la plus haute du monde à l'époque. Peut-être encore maintenant. Sûrement. Bon, bref. Et qu'elle va vendre les codes en échange des diamants. Ben oui. Ça me fait trop cette femme aime les diamants. Ça me fait trop bien. Wistrow, qui est le bras droit de Hendrix. Donc, les buts, c'est des court-circuités. Ouais, ça. C'est ça. Ouais. La vente. Donc, l'agent Puma va faire. va avoir un masque de Simone. Tom Cruise va avoir un masque en plus, de... Si tu changes les noms, Sabine. Non. Puma va avoir les masques de Simone. Bon, Puma qui est Simone. Une nana va être la française. L'agent va être la française. Tom Cruise va être Wistrow. Et ils vont faire deux rendez-vous séparés pour donner des faux codes. Parce que les vrais codes, ils ne doivent pas être réellement vendus. Bah non. Non. Donc là, tout va bien. Compliqué. Et en fait, mission. Là, il ne faut pas arriver... Il ne faut pas capturer les deux, mais il faut arriver à Cobalt. Ouais. Le but, c'est qu'eux, c'est juste des passagers pour arriver à choper Cobalt, qui est l'ennemi numéro un. Exactement. Ils vont à Dubaï. Ils sont dans les super hôtels des oufs malades. Dans la tour Bourges Khalifa. Ils sont dans l'hôtel, ils sont en train de faire tous les préparatifs. Benji, il est en train de hacker les systèmes pour pouvoir contrôler l'ascenseur. Et oui, tout ça. Pour les faire sortir au bon endroit. Et... Parce qu'en fait, ils vont envoyer un des deux... Dans une autre chambre. Ouais, c'est Wistrom qui l'envoie dans une autre chambre où il y a l'agent Carter qui l'attend. Ouais. Voilà. Donc, par contre, il ne peut pas hacker de l'intérieur du bâtiment, ça, c'est pas très clair, mais il doit hacker de l'extérieur. Mais comment aller à l'extérieur? C'est le scénariste qui se dit ça peut être l'occasion de faire une petite cascade un peu fun. Donc là, le bâtiment, bien sûr, il n'y a pas de balcon ni rien, c'est juste des fenêtres sur tout le long du bâtiment. Et donc, Tom Cruise, il est obligé de grimper, de faire de l'escalade du bâtiment au 130e étage. Donc, il a 11 étages à monter en haut et 7 chambres à monter sur le côté, horizontalement. Et pour arriver dans avec le... des petits gants qui collent aux fenêtres. Comme et les trucs de tout. Lézard. Voilà, c'est tout. Il n'a que ça. Et pour pouvoir hacker les serveurs de l'intérieur. Voilà. Donc, pour rentrer dans la salle des serveurs. Donc, truc des ouf malades, il monte, il arrive, il hack. Très bien. Avec le gant qui déconne de temps en temps. Un gant, il est parti. Il y a une tempête de sable qui arrive derrière eux comme une menace horrible. Ils arrivent quand même à hacker. Moreau, elle arrive plus tôt que prévu. Wistrow, il arrive, mais avec l'homme de l'appartement russe. L'analyste. Qu'on découvre être un cryptographe polonais qui doit valider les codes. Donc, ils ne peuvent plus donner les codes faux. Et oui. Donc, ils doivent donner les vrais codes. Tout un bordel. En plus, c'est tout un micmac parce qu'en fait, les plans, donc, c'est de donner les vrais codes. Donc, Tom Cruise va voir Sabine. Sabine. Il lui donne les codes. Ils doivent regarder les codes. Jeremy, il a une lentille qui capture les codes. Les photos, donc, il prend des photos en clignant des yeux. Les photos sont envoyées dans l'autre mallette qui est Puma. Dans l'autre pièce pour les donner à Wistrow. Oui, il n'y avait qu'une micro-imprimante. Wistrow, il va donner les diamants à Sabine, à Puma, qui va les donner à Benji, qui va les amener à Tom Cruise pour payer Sabine. C'est tout un bordel. Les problèmes, c'est que les masques, la machine le masque ne marche plus. Donc, il y a tout... Oui, ce qui est un peu le cas de quasiment tous les gadgets, il y a toujours un moment où il déconne dans le film. Donc, ils décident d'y aller comme ça. De toute façon, il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Donc, ils font ça. Tout se passe bien, sauf que Sabine, elle se rend compte, elle voit à la dernière seconde de la tractative. Et elle repère. Tractative. Non, ça se dit bien. Tractation. On s'endort pas, on a bien mangé. Oui, c'est pas facile de reprendre. C'est long, c'est difficile ce film. Donc, elle repère la lentille photocopieuse. On l'appelle comme ça. Donc, elle se casse. Donc, et en même temps, Wistro, il a pris les codes et il part. Donc là, il faut poursuivre Wistro. Il faut poursuivre les deux. Ouais. Donc, Puma va poursuivre Sabine et Tom Cruise va poursuivre Wistro. Mais en même temps, il y a les policiers qui arrivent dans l'hôtel parce que je ne sais pas comment, ils savent qu'il est là. Ils bloquent Tom Cruise, bagarre. Oui, les policiers Tom Cruise, russes. Tom Cruise, il se dégage. Il va suivre Wistro et là, qu'est-ce qui se passe? La tempête des sables. Ah, vous l'avez oublié. Hein. Coup de bol, il avait gardé ses petites lunettes qu'il a utilisées pour l'ascension. Donc il a des lunettes. Mais... Il a un petit châle et c'est parti. Course poursuite dans la tempête de sable. Il le perd 30 millions de fois. Il arrive à aller sur sa voiture. Il le touche. Il essaie de le sortir de la voiture et il arrache un bout de masque. Quoi? What? Ce n'est pas Wistro. Oh non. C'était Cobalt. Oh mince. Habillé depuis Wistro. Depuis le début, on l'avait. Et là, il est parti avec les codes. Avec les vrais codes. Mais c'est pas grave. Tom Cruise, il a un plan de sécurité. Sachant qu'entre-temps, Puma a réussi à choper Simone Sabine. À lui faire sa fête. Et alors bon, après, bol, elle est tombée du haut du 136e étage. Hein. Elle a tué, Sabine. C'est boulette. Hein. C'était un accident, hein. Bagarre. La fenêtre, elle est ouverte. Tu fais ce que tu... Enfin, voilà. Il faut dire aussi que Jérémy, dans la bagarre avec... il était super fort. L'analyste en chef, là, il était méga fort sur les... Il est fort en bagarre. En bagarre. Bizarre. Pour un analyste, c'est louche. On revient à la planque. Donc... Puma et l'analyste se prend la tête parce que Jérémy dit « Mais pourquoi t'as tué Moreau ? Il fallait pas du tout. » Bon, bref. Tom Cruise, il sort, il dit « Vous inquiétez pas, j'ai un nouveau plan, j'ai un rendez-vous, vous m'attendez ici. Il n'y a pas de souci. » En fait, il lui dit « Mais pourquoi toi, qui t'es aussi doué, t'es juste un analyste ? C'est quand même louche. Ouais. » Mais Tom Cruise se casse. Donc, Benji et Puma demandent à l'analyste pourquoi. Donc, l'analyste raconte... Jérémy. Il raconte qu'il surveillait un couple en Croatie, qu'un jour, il a entendu parler que des Serbes voulaient tuer les couples. Il voulait prévenir les mecs, parce qu'on imagine que c'était des anciens agents. Oui. Il voulait prévenir les mecs, mais il ne l'a pas fait. Il a suivi les mecs qu'il allait courir. Il est revenu, la femme, elle était morte. Boulette. Et les mecs, c'était qui? C'était Ethan Hunt. Ah. Et sa femme, c'était Julia. C'était donc Julia. La femme du Mission Impossible 3. Il se sent super coupable. Ethan Hunt, pour s'évanger, il a tué 6 Serbes et c'est pour ça qu'il est fini en prison en Russie. Eh oui. Ok, pouf. Donc, super coupable, je lui dis, je lui dis comment pas. Comment t'as les dit autres... ça? Pour se venger, il a tué 6 Serbes. Mais c'est vrai, j'étais hommes, pas en forme, j'ai tué 6 Serbes. Quoi. Bon, donc Ethan, il va à son rendez-vous. Tom va à son rendez-vous. C'était avec Bogdan, les mecs qu'il a libérés au début. Son vieux copain. Son cousin, il est marchand d'armes. Donc il demande à ses marchands d'armes, je sais que Hendrix Cobalt, il t'a contacté. Je sais qu'il a besoin de quelque chose. De quoi il a besoin pour lancer ses putains de missiles nucléaires? Et il dit, il a besoin. Donc les marchands, il est un peu filou. Il dit, il a besoin d'un satellite. Merci, je ne me rappelle plus. Tactique, satellite tactique. Et je lui ai dit que la Russie, elle en a vendu un à un multimillionnaire chef de tous les télécoms indiens, Brijnat. Oui. Donc, direction Mumbai. Allez, bilan carbone de ce film désastreux. C'est vrai. Donc, les plans, c'est d'essayer d'arrêter, du coup, de hacker les satellites. Ben voilà, d'empêcher que Hendrix s'empare du satellite. Pour se faire. Brijnat, il a les codes pour bloquer les satellites, pour accéder aux satellites, je crois. Pour pouvoir le piloter. Il est un playboy des ouf. Farmer et tout. Donc, les ils utilisent Puma, qui est une très belle femme, pour le draguer. Elle le drague. elle arrive à rentrer dans ses pièces. Entre-temps, Jérémy, avec un costume aimanté, il rentre dans les ventilations pour pouvoir accéder à l'endroit du serveur. Au serveur, ouais. Benji pilote un petit robot pour la rattraper, tout ça. Bon, oui. Bref. C'est le petit robot maintenant. Ils arrivent au serveur, elle arrive à voir les codes. Jérémy arrive à mettre les codes dans les trucs, mais entre-temps, Cobalt et Wistro, les vrais, lui-même, ils sont arrivés au même endroit, ils ont mis un virus. Donc Benji, il ne peut plus rien contrôler. Et décide de lancer, on lance les missiles. Oui, donc, ils appellent le sous-marin nucléaire russe et disent c'est parti. Ils quoi, veulent le lancer missile, go. Qui est un missile, mais qui déclenchera une guerre nucléaire. Oui, qui va à San Francisco, ouais. Un truc comme ça. Ah, aux États-Unis. Donc, les missiles sont lancés. Voilà, du coup, pas c'est super foutu. Ambiance. Bah, là, c'est foutu. Tout le monde dit, bah, là, on ne peut plus rien faire. C'est mort. Mais tant qu'on s'est dit, non, on peut encore faire quelque chose. Mort. On peut désactiver les codes de la même mallette. Donc, il faut trouver cette mallette. Oui, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ils sont aussi à Mumbai. Ils ont aussi piloté depuis... Oui, ils sont à Mumbai. Au tout début, Cobalt, ça avait pas... il est à Mumbai. Voilà. Donc, OK, on va suivre, on va trouver la mallette. Tom Cruise va suivre Wistro, va trouver la mallette. Oui, ils arrivent là où ils ont diffusé, en fait. Là où ils ont pris possession du satellite, dans une des... dans la structure du milliardaire, là. Ouais. Là, une antenne télé, je crois. C'était. Oui, c'est ça, un truc multimédia. Et en arrivant, ils se dispatchent. Tom Cruise poursuit Hendrix. Cobalt. Et Puma et les autres, et Jérémy essayent de bloquer Wistrom. Wistrom, il coupe l'électricité, il se cache, il tire et il prend Puma. Donc Puma, elle est blessée. Jérémy, il va tout seul bloquer ses mecs, Wistro, oui. Pour remettre les lecs. Pour pouvoir repirater. Pour pouvoir repirater. Donc, il bagarre d'un côté, bagarre de l'autre. Ça finit avec Tom Cruise qui s'élance du 10e étage d'un parking souterrain avec une voiture. Et avec l'airbag, il arrive à se crasher, mais à se sauver. Et récupère la mallette à la dernière seconde de la dernière minute. Tape, il n'y a pas les lecs. Jérémy, à ce moment, a remis les lecs. Il arrive à taper, à bloquer les missiles. C'est ça. Truc des ouf. Là, très mal expliqué, mais la voilà. La fin, tu l'as rushé, mais c'est ça. Ouais. Oui, c'est un peu ça. Après, oui, parce que c'est une grosse scène d'action. Ouais. Effectivement, parce que Tom Cruise poursuit Hendrix dans un grand parking automatique, en fait. Des ouf. Mais attends, c'est pas fini. Mais c'est pas fini. Parce qu'on est à Seattle. Donc, qui en retrouve? Luther Stickwell, hey, my love. Et Tom Cruise se raconte sa mission, il rigole. Les autres trois arrivent, donc Jérémy, Puma et Benji. Ils disent, bon, bah, voilà, on a fait ça quand même, c'est ouf. Il y a les nouvelles missions pour tout le monde. Mais Jérémy, les deux, Benji et Puma, ils partent. Ils prennent la mission. Ils prennent la mission. Et Jérémy, il apprend pas. Il dit, je dois te dire un truc, Tom. C'était moi qui devais... Voilà, il lui explique son truc, qui devait le protéger, tout ça. Et donc, je lui dis, mais t'es sûr que... T'as vu les corps de ma femme? Il dit, ben non, il y avait juste des restes. Je sais pas, il dit, non, mais ma femme, elle est vivante. Et oui. Et en fait, c'était pour la protéger réellement. Moi, je me suis cassée et on a cru qu'elle est morte. Comme ça, personne plus va lui tordre un cheveu. Et j'étais dans la prison, pas parce que j'ai tué six Serbes, mais parce que l'agence voulait des infos sur Cobalt, qui avait des contacts en prison. Et voilà, donc tu es soulagé. Donc Jérémy, il est tout content. Il prend sa mission et part. Tom Cruise voit de loin... Julia est là. Il lui fait un coucou. Il prend sa mission. Et c'est parti. Il y a d'autres aventures. Bravo. Ouais, c'était long quand même. Je me raconte. Non, c'est très bien. Ouais, ça va. Voilà. Pour rester dans l'ambiance, on va se faire un petit extrait. Et l'extrait qu'on fait, bah, c'est le plus iconique de ce film, peut-être. C'est l'escalade sur la tour Burj Khalifa. Alors, on fait la descente, très exactement. Parce qu'il a déjà escaladé. Il a déjà escaladé. Il est dans le truc des serveurs, mais il ne peut pas ressortir. Il faut qu'il reparte. Par l'extérieur. Par l'extérieur. On ne peut pas ouvrir cette porte. Parce qu'il y a un ascenseur. Il pense pouvoir descendre un ascenseur. En fait, pas. Mais non. Mais il voit une espèce de sangle, de dérouleur sangle. Ouais, et il a peur. Et pendant ce temps-là, du coup, c'est le speed parce que Sabine Moreau est en train de monter. L'autre est en train de Puma se préparer. Puma revient. Et en plus, Tom Cruise, il doit faire Wistro. Oui, voilà, ça c'est court. Il est où, Ethan? Il lance. Il se jette par la fenêtre avec la sangle. Et il marche le long de la façade, ça c'est. Il génial. Court. Hein. Ouais, il court. Léon, ouais, la flèche, il marche comme ça, il court. Hein. C'est impressionnant. C'est trop impressionnant. Mais la sangle est trop courte. Trop courte, il arrive par la fenêtre. Alors qu'est-ce qu'on va faire, hein? On va faire un petit peu de balançoire. Il passe un peu sur les côtés. Your line's not long enough. No shit. Le Jérémy lui dit, c'est pas suffisamment long, sans déconner. Donc là, il va... Waouh. Il court au long de la paroi, il se prend son élan. Ça, c'est beau. Hein. C'est trop beau, les sauts d'ange. Belle cascade, et là... Il doit rentrer dans la fenêtre, il s'élève. Ah, il se mange le montant de la fenêtre, mais Jérémy récupère, et Puma récupère Jérémy, et ils sont à 500 l'un après l'autre, fois, 300, étage. À 500 mètres de haut, je crois. Hein, ouais. Comme ça. C'est énorme. C'est énorme. Ils arrivent à monter. Tom Cruise, il arrive à monter. Waouh. C'est ouf. C'est bon, tout va bien. Ils sont bons. Ils sont vivants. Ils sont dedans. Et on voit la tempête de sable au fond qui arrive. Ouais, la tempête arrive. Ouais, ils sont encore en speed. Mais... Et là, Benji arrive, qui était tout ailleurs, faire une mission complètement débile. Et là, c'était pas difficile, mais j'ai réussi. Et oui. C'est mignon, c'est mignon. Très mignon. Quelle magnifique scène d'ailleurs. Mais c'est impressionnant. Trop beau. C'est surtout de se dire que ça, ils ont fait tout ça en vrai. Bon, avec des fils, hein, mais en vrai. Non, j'avais regardé. La tour Burj Khalifa fait 830 mètres de haut. Et eux, toutes les cascades, a priori, les ont fait aux alentours de 520 mètres de haut, à peu près. Mais moi, je me dis, avec tous c'est les fils du monde qui te tiennent, que t'es rassuré et tout, mais tu regardes en bas, tu flippes. Ah non, mais t'as 500 mètres de vide. Ah. Et en plus, c'était une galère sans nom. Ils ont filmé ça en IMAX. Donc, c'est des caméras particulières. Enfin, j'ai regardé un making-of que sur cette scène-là. C'est complètement fou. On ils l'ont fait en plus un million de fois. Ils l'ont tourné. Ah, ouais. Bah ouais, mais bon, c'est complètement fou. Bon, on va en reparler d'abord. Ouais. On va donner notre petit avis sur ce film. Alors... Mission Impossible 4. Enfin, vas-y, Mission Impossible Paulin. Ghost Protocol. Parce qu'il n'y a plus de numéro dans les Missions Impossibles maintenant. Tout à fait. Mais c'est le quatrième. C'est le quatrième. Moi, j'aime bien Mission Impossible. Et celui-là, vraiment, il a une qualité assez indéniable. C'est que c'est un peu la formule aboutie, là, je pense. Tu vois. C'est quand il y avait le 3, tu te dis, ça y est, ils ont à peu près trouvé les trucs. Tu avais le 1, c'était très particulier. Pour moi, c'est un peu hors catégorie. C'est un thriller. Mm. Il est hyper classe. Il pose des trucs. Enfin, il joue avec les codes de la série. Il est très, très, très bien. Le 2... Et il flirte un peu plus sur l'histoire en solo, James Bondesque un peu. Oui. Le 3, c'est un peu plus l'équipe et un peu la forme finale qu'on va avoir, mais en un peu molle du cul et pas super. Enfin, en mise en scène, pas ouf. Oui. Là je pense que t'as tout qui marche. Et en plus, il commence à savoir comment gérer l'humour là-dedans pour faire vraiment du très grand spectacle. Et puis, mention pour la mise en scène qui est folle. Brad Bird. Ouais, il est... C'est complètement dingue. Moi, je crois que là, du coup, en le revoyant, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vu, mais bon, les 15 premières minutes, max, où il y a la scène de Budapest et après la scène de la prison, en termes de mise en scène, c'est affolant. Tous les coupes de montage, tous les plans, tous les mouvements, tout est limpide et c'est impressionnant comment en 10 minutes, tu as un truc hyper impactant. Il n'y a pas tant de mots que ça. Tous les débuts, presque, il n'y a pas de mots. C'est ça qui est assez fou. Et visuellement, c'est hyper malin. Il y a plein de petites trouvailles. Tu vois, tout voit vraiment tout le travail du découpage. Bon, Brad Bird, pour rappel, c'est quand même un mec qui a bossé chez Pixar. Il a fait le Géant de Fer. Ensuite, il a fait Les Indestructibles et Ratatouille. Donc, c'est un mec qui, globalement, sait écrire un découpage de film, sait faire des storyboards, etc. Et là, tu le vois vraiment, les scènes d'action, c'est aux petits oignons. Ouais. C'est un bonheur. Je trouve que ça, vraiment, c'est top. Bien. C'est trop bien. Donc, très content. Et puis, j'aime bien, là, on arrive sur la formule qu'on va avoir dans l'émission Impossible 5, 6, sûrement 7 et 8 aussi, que je trouve qui fonctionne bien et qui fait vraiment là, qui aboutit là. Et puis voilà. Ouais, qu'en as-tu pensé de ce film ? Moi, je me suis dit plusieurs trucs. C'est marrant. Moi aussi, je me suis dit, mais il y a tellement des cascades et des moments iconiques, c'est quand même un peu dingue. Je pense les films avec les plus des gadgets Entre les trucs gonflés, à partir du début jusqu'à la fin, oui. T'as que des gadgets, des et tous marchent pas très bien en plus. Ouais, ils ont tous un petit défaut. À chaque fois. Ouais. Ouais. Soit ils marchent pas du premier coup. Tu vois, la machine qui fait les masques, elle marche jamais oui. Finalement. Les gants, le gant, il marche plus. Même le truc au début, le truc gonflable au début, tu vois qu'en fait, il s'est gonflé, mais un petit peu tard. Donc il a un peu mal au dos quand même. La première cabine téléphonique où il prend son code, elle marche, elle explose pas. Il retourne. Ouais. Ça, c'est marrant. Et ça, c'est Brad Bird. Et ça, c'est plein de. Je trouve ça cool quand même parce qu'il y a plein de trouvailles qui amènent aussi de l'histoire. Ça, je trouve ça hyper agréable. Je trouve Benji quand même qui remplace Luther tout en gardant quand même les caméos de Luther à la fin en disant une espèce de au revoir, j'imagine, pour la suite. Je sais pas, mais en tout cas, c'est. Non, parce qu'il revient, hein, Luther. Oui, mais c'est quand même un peu. Voilà, il a. La place a été prise par Benji, sans l'oublier, mais Benji, quand même, il a pris de l'ampleur en étant la nouvelle ligne comique. Ah, oui, c'est mais il est pas, après, il n'est pas seul sur la ligne comique, quand même. Ça, oui, c'est lui ça le repère comique, mais ça se partage quand même bien. Oui, notamment le fait que toutes les machines ne marchent pas. Ouais. Ça rajoute un peu de tension et un peu d'humour aussi. Donc ça, c'est une petite trouvée marrante. Quoi. Et après, Puma, je ne sais pas. Puma. Donc Paula Patton. Patton Carton Je ne sais pas comment elle s'appelle. L'actrice. Qui joue Carter. Que je la trouve mal écrite. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on disait, on se le disait tout à l'heure hein, hors émission, mais on se disait quand même, c'est les personnages féminins qu'il y aura par la suite, qui sont vraiment construits, pleins et compétents. Elle est finalement, elle est utilisée, mais elle n'est pas compétente. Ouais. Ils ne vont pas au bout rien. Du truc. Elle sait rien. Ils ont créé une espèce d'histoire d'amour avec l'autre truc, l'autre. Bah, donc elle a la vengeance amoureuse, mais même pas trop du travail. Je sais pas. Il y a un truc qui. Ouais, c'est bizarre parce qu'ils l'introduisent comme c'était une chef, c'est une chef d'équipe, donc potentiellement c'est une équivalente de Tom Cruise. De Tom Cruise. Mais que c'est. Mais en fait, voilà, qui maîtrise pas, et surtout qui est très vite, il la bascule sur. En fait, elle veut se venger. Oui. Mais elle est pas. Mais elle reste quand même vachement aux ordres d'eux pour quelqu'un qui veut se venger. Donc en fait, tu sens que. C'était pas très loin pour que ça marche, mais pas... elle est pas. Il manque encore un truc pour que ce soit vraiment bien. Dans toute l'émission, en réalité, elle fait rien de réellement. Après, je trouve que ça, pour la peine, c'est un des trucs qui a réussi dans le cadre, dans ce Mission Impossible-là. C'est que les tâches, c'est un peu mieux réparti et c'est un peu moins Tom Cruise qui sauve tout le monde. Là, vraiment, chacun. Dans le plan, fonctionne vachement. Et elle, notamment. Elle. Ah, moi, je trouve que si, quand même. Ah, moi, je trouve que non, parce que. Elle fait la drague à un moment avec les millionnaires. Oui, mais en réalité, en termes de... Ah bah, si tu ne l'as pas, tu n'as pas les codes. Oui, mais en fait, en termes de héroïsme, d'action... Tu vois, elle serait quelqu'un... Tu vois, quand elle essaie de suivre, elle se fait tirer des sous. Elle tue la nana alors qu'elle n'aurait pas dû la tuer. Elle n'est pas dans des... Quand ils vont au Kremlin, elle ne fait rien. Juste, elle met un ballon qui emmène un truc, mais elle ne fait rien d'autre. Tu vois, elle n'a pas de rôle... C'est pas elle qui a les trucs les plus marquants. C'est plus l'analyste qui a plus des trucs. Après ça, c'était écrit comme ça parce qu'à la base, Jeremy Renner, il est casté pour au cas où Tom Cruise arrête. Oui, en plus. Et du coup, le personnage est écrit pour au cas où si Ethan Hunt n'existe pas pour la suite, il y a ce nouveau personnage qui a un peu la même histoire. Non, mais même à la fin, ce qui sauve la journée, c'est Benji. Oui. Qui tue Wistro. Tu vois, elle est un peu. Je vois ce que tu veux dire. Elle est un peu utilisée plus comme. Elle avait besoin de la scène du Playboy et machin truc, donc de la nanana, super canon. Et le background un peu vengeance amoureuse. Ouais. Mais il n'y a pas. Tu vois, ce personnage-là, pour moi, il n'est pas suffisamment fort. Oui. Mais après, c'est ce que tu dis. Et effectivement, tu vois que dans l'écriture, ils se sont plus concentrés sur le personnage de Jeremy Renner. Mais qui est super. Mais qui est bien, super, ouais. Et en plus, parce que justement, ce que je te disais, quoi, c'était au cas où, si Tom Cruise se barre, ce sera lui le nouveau personnage principal. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que son histoire, son background est écrit comme celui de Ethan Hunt. Il était sur une mission où en fait il s'est fait doubler, où il a l'impression d'avoir déconné, alors qu'en fait c'était une mise en scène, comme Ethan Hunt dans le premier, tu vois. Après, on verra par la suite que ce personnage-là, il va rester. Ça va pas être le même rôle, du coup. Ce sera pas lui le remplaçant de Ethan Hunt. Voilà. Okay. À peu près, grosso modo. Et après, toujours cette petite tendance dans les différents pays pour marquer les différences des pays, c'est toujours des gros clichés. Genre. Ah bah ouais. Dubaï, c'est les chameaux. Ouais, c'est les chameaux. Je sais pas, il y a un petit truc, les musiques, ces trucs-là, toujours un peu bon. Cliché. Bah là, c'est vraiment la facilité pour dire OK, on allait là. Oui, ça, oui. Ouais. Ah, je vois ce que tu veux dire. Voilà. OK. Et après, à un moment, je me disais ah, mais peut-être j'ai bien aimé aussi que l'ennemi soit vraiment ennemi. Qu'il n'y a pas un basculement. Pas, oui. Genre, parce qu'à un moment, je me suis dit est-ce que Jeremy Renner ne pouvait pas à un moment être. Ouais. Un autre méchant. Mais comme tous les premiers films, c'était ça. C'était que des anciens de la IMF ou quoi. Oui, c'est vrai. Et ça, j'apprécie qu'ils changent de paradigme. Ouais, c'est plus. Et c'est plus ça, quoi. On est moins sur le thriller et sur le qui est la taupe, qui trompe qui. Même les masques, ils les utilisent pas tant que ça. Bon, bah, très peu, en fait. Il n'y en a qu'un, un vrai masque, c'est celui de. Du général. De. Ouais, enfin. Ah oui, de Cobalt. De Cobalt, hein, c'est le seul. Ouais. Sinon, tous les autres. Bah, après, la machine, elle était cassée. Hein. Oui. Bref, fin, parce faire. Que ce métal. Voilà, voilà. Après, si pour revenir, moi, ce qui est, un des trucs qui me chagrine, mais pas tant que ça, c'est il y a des scènes quand même qui sont hyper fortes. Enfin, tu vois, la prison, le Kremlin, la scène de la tour de Dubaï. Et à côté de ça, la scène finale dans le parking, elle est moins impactante quand même, je trouve. C'est vrai. Et c'est fou de se dire que tu finis sur celle qui est la moins. Après, elle est quand même, là, en la revoyant. Moi, j'avais ce souvenir que à chaque fois, je me disais, ah, elle n'est pas folle cette scène. En la revoyant, il y a quand même un truc super fun avec ces voitures qui montent et qui descendent, et puis eux qui se poursuivent sur plusieurs étages et qui sont très très mal en plus. Ouais. Mais elle est moins impactante parce que, bah, pareil, tu es dans un endroit hyper étroit. Et trop des choses, moi je trouve. Et ça fait beaucoup, ouais, c'est hyper fouillé. En plus, tu as en parallèle Benji, Puma et Jérémy qui sont en train d'essayer de remettre le courant. Donc ouais, effectivement, cette scène-là de fin, c'est vraiment la course, presque que tu aurais eu qu'une course-poursuite, ou je sais pas, mais il y a un truc qui est effectivement qui n'est pas forcément le plus évident. Parce que pour moi, les trucs les plus iconiques de Mission Impossible, finalement, c'est des trucs où il ne se passe pas grand-chose, mais qui s'est tendu. C'est comme la shoot, tu vois, du premier à l'escalade. En réalité, il ne se passe rien, c'est que de la tension, et il fait des mouvements très lentement. Dès qu'il y a des truc trop vite. Ouais, c'est vrai. Tu perds les fils aussi, tu sais plus, mais il était où, la mallette, ça change tout le temps de plan, il y a 200 voitures qui arrivent. La fin, ça va très très vite. Et puis c'est vraiment le plan, oh, on rebondit en deux secondes pour faire ça. Ouais. Ouais. Comme par hasard, il faut qu'en fait, on ait le code, mais il faut aussi qu'il y ait le serveur qui soit allumé, mais il faut aussi qu'on ait la mallette, machin. C'est vrai que ça, c'est le truc qu'on arrive un peu too much sur la fin. Un peu too much. Surtout à 2 minutes du set avant qu'il y ait le missile. Ça, c'est le genre qui veut ça. Hein, sinon, oui, c'est pas vrai. Oui, c'est quand même. Et encore que là-bas, c'est la première fois où Tom Cruise appuie, il lui reste 2 minutes, je crois. Il a largement le temps, quoi. Bah, mais sauf que ça marche pas. Pas tant, 2 minutes. Il doit rester 1 minute 30, je crois. Mais du coup, il appuie, il n'y a toujours pas le courant, donc il appuie. Ouais. Et c'est ce qu'il dit à Luther à la fin. Et, parce que quand il fait ça, quand il appuie sur le bouton, il dit mission accomplie. Ah oui, c'est vrai. Sauf que ça ne marche pas. Et à la fin, quand il est avec Luther, il lui raconte et Luther se fout de sa gueule en disant mais t'es complètement. C'est vrai. Complètement débile de faire ça. Yep. Est-ce que j'ai des anecdotes? Je regarde. Je sais pas si toi t'as des anecdotes ou d'autres choses à dire. Non, je pense que ça ira. Ah oui, ok. On est déjà presque à 1 heure. Ah ben bon. Ah bon, oh, quand même. Attends, mais il y a des petites anecdotes. C'est plus intéressant les tiens que les miens. C'est ça. Ah, que je sais pas si c'est plus intéressant. Si, vas-y. Ah oui, alors bah, tu sais tous les trucs que je te disais que les gadgets déconnent. C'est Brad Bird qui a demandé. En fait, il a dit parce qu'en fait ça pour la peine, et là tu vois que c'est une idée de metteur en scène. Il dit ça donne du jeu, ça donne du rythme, ça fait des trucs, c'est hyper malin, je trouve. Trop bien. Brad Bird est fantastique, moi je trouve. T'es un grand. Je trouve c'est impressionnant, quoi. C'est son premier film en prise de vue réelle, pas en animation. Ouais. Et tu te dis bah ouais, enfin le mec il a fait de l'animation, il sait forcément faire de la mise en scène en vrai, quoi. Oui, pour la peine, c'est imbattable. Et sur de l'action comme ça, c'est fort. Et c'est hyper graphique. En effet, toutes les images, t'es là, waouh. Et le rythme, il est impeccable, quoi. Ouais. Et il a refait un film après, à la poursuite de Tomorrowland, qui est pas mal, honnêtement. Tu vois pas. Ouais, ça a pas marché. En anglais, tu sais comment il s'appelle? Tomorrowland, je crois. Ça m'est dit rien. Et c'est pas mal. J'avais bien aimé. Okay. Mais bon, ça a pas marché, malheureusement. Ouais. Ah oui, info, quand ils sont arrivés dans la tour à Dubaï, la Burj Khalifa, ouais. Ils se sont installés, toute l'équipe technique, tout ça, sur un étage où il n'y avait encore rien de construit. Ah. Donc, pratique, ils mettent le matos, tout ça, machin. Et puis, ils ont commencé à dire, ouais, mais alors, pour tourner ce qu'on veut faire, il va falloir qu'on fasse... Enfin, faut qu'on ait accès à l'extérieur. Et en fait, techniquement, on ne pouvait pas, parce que tout est fermé. Bah ouais. Donc, ils ont demandé, ils ont négocié pour dire, est-ce qu'on peut péter une vitre ? Ils l'ont fait vraiment, du ouais. coup. Du coup, ils ont, les mecs ont dit oui, et puis ils en ont pété une. Mais après, ils se sont dit, ah ouais, maintenant, il faut qu'on en mette une autre pour la caméra, machin. Ils ont pété 26 fenêtres. L'hôtel wow. tout neuf, machin, tout peine construit. On va vous recasser 26 fenêtres. Bon, après, assurance. Ils ont payé. Mais, hein. mais bien sûr qu'ils ont payé. Et puis, je pense qu'ils sont contents, Dubaï, d'avoir leur tour. Bien sûr. Dans le dernier Tom Cruise. Et est-ce qu'ils sont allés là-bas parce que c'était la tour la plus haute et que Tom Cruise voulait faire ça ou ouais. pour d'autres raisons ? Alors, écoute, apparemment, parce que c'est produit par J.J. Abrams. Ouais. Et alors, coïncidence ou pas, je ne sais pas. Mais J.J. Abrams avait été une fois à Dubaï, il avait été impressionné, il se disait il y a des trucs à faire là-bas. Et quelques temps après, Tom Cruise l'appelle en lui disant tu sais, la tour machin à Dubaï, j'y suis allé et il y a trop des trucs à faire. Enfin, il faut absolument qu'on tourne quelque chose là-bas. Ouais, ok. Parce qu'il y a un truc cinématographique là-dedans. Wow. Ce qui est malin. Ouais, ouais, c'est parce vrai, qu'effectivement, c'est assez impressionnant. Ça donne une scène complètement folle. Je vais regarder les making-of de cette ouais. scène parce que ça, c'est intriguant c'est, quand même. Tu regardes le making-of, quand tu le vois courir du coup sur la façade, tu te dis, ah, quand même, c'est énorme quoi. Ouais. Il a dû se taper et il fait toutes les cascades tout seul. Avec tous les fils dans tous les sens. C'est complètement fou. Il n'y a quasiment pas d'incruste. Wow. Peut-être juste la tempête de sable qui est incrustée, mais c'est oui, tout. Oui. Et après, si, ils ont gommé toutes les fils. Et ça, il y a du taf. Ah, ouais, il y a du taf. Et okay. Voilà. Ah oui, deux dernières petites anecdotes, juste crousti pour dire. Le parking qui est à la fin, ouais. il a été construit exprès pour le film. Non, si. Alors, ça n'existait pas. Non, c'est à Vancouver. Voilà. Parce qu'ils ont tourné, tout ce qui est en Inde, c'est tourné à Vancouver. D'accord. Et en fait, ça n'existait pas. Mais a priori, ils ont dû s'en servir après, ce parking, quand même. Ils l'ont gardé ? Bah, j'espère. Non, je pense pas. Mais ils ont passé 6 mois à construire ce truc. T'imagines ? 6 mois ? Ouais, ah ouais, c'est un vrai parking fonctionnel. Ouais, il faut que ça serve à quelque chose, quand même, je pense. Enfin, je sais pas. Waouh. Je sais pas la suite, mais voilà. C'est Tom Cruise qui était chaud d'avoir Brad Bird après avoir vu Les Indestructibles. Il a dit Brad Bird, ça va pas mal. Il a l'air bien, mais, lui. Non, mais il est trop malin, Tom Cruise. Et après, en vrai, c'est à force, je pense, on va vraiment finir par comprendre que Tom Cruise, il aime vraiment le cinéma et il comprend quelque chose au cinéma. Quoi. Mais c'est impressionnant. Grave. Il a la vista. Ah là là là là. En plus, après avoir vu Les Incroyables, je veux dire, c'est qui va faire le rapport ? Je veux dire, il est quand même. Avec Les Indestructibles ? Pardon, Les Indestructibles. Ouais. Bah, il y a un truc, un peu de film d'espionnage dans Les Indestructibles, il y a ce truc-là. Et puis, je pense que c'est quand il voit comment est réalisé Les Indestructibles, il se dit, mais ce mec, il a un œil pour faire de l'action et pour le raconter, pour oui, mettre en scène, tu vois. Mais c'est quand même fou que tu regardes un dessin animé et que tu restes suffisamment ouvert d'esprit pour te dire, ah bah oui, ça peut être les prochains réalisateurs de mon Mission Impossible 4. Quoi. Ah non, mais c'est sûr. C'est clair. Bah, quand tu vois. Mais après, je pense que les Américains, maintenant, depuis Pixar et tout, notamment, il y a un peu moins de problèmes à se dire tu peux faire de l'animation, du live, etc. C'est vrai. En France, on a encore un gros souci où c'est vachement écarté. Oui. Quand tu vois les remises de prix pour les animations au César et tout ça, c'est une cata, quoi. Aïe, aïe, aïe. Bon. Le petit projecteur que t'aimes bien dans l'infiltration au Kremlin. C'est le Attends, gadget là, bah, l'écran. Ah oui, l'écran, il est génial. Et ben ça, c'était dans une idée qui était dans la série, a priori. Trop bonne idée. Voilà, du coup, ils l'ont repris. Et c'est trop. Même cette scène, il ne se passe pas grand chose, mais t'es hyper tendu et t'es trop bien. Trop, trop bien. Bon, bref. Allez, dernière anecdote. C'est le premier film américain. Alors, je ne sais pas ce qu'elle vaut celle-là, elle est vraiment toute pétée. C'est le premier film américain où il y a du russe écrit correctement à l'écran. Non, c'est vrai. J'ai lu ça, je dis quand même. Genre dans les panneaux et tout ça. Ouais, il y a un truc qui est écrit en russe et apparemment, c'est la première fois que dans un film américain, il y a quelque chose d'écrit en russe grammaticalement correct. Et est-ce que Tom Cruise il parle russe bien? Moi, je sais ça, pas. On sait pas. Ça. Oh, sûrement. Non, parce sûrement, que c'est, il est crédible de sans connaître les Russes, mais bon, après, oui, c'est ça peut être un gros cliché. Tu sais, avec l'italien qu'on a eu, tu t'es rendu compte, tu m'as dit, ouais, quand même, c'est pas ouf, quand t'es vraiment italien, tu vois bien qu'il est pas italien. Ouais. Donc, je pense que c'est pareil pour les Russes. Allez. D'accord, super, c'est bien. C'était une fournée d'anecdotes. J'en profite parce que j'en ai pas sur tous les films, donc là, j'en avais pas. C'est bien, c'est bien, mais c'est très intéressant. Alors, du coup, qu'on a dit tout ça, ben, il nous reste à voir un petit peu... Les Oscars. And the Oscar goes, and the Oscar goes, and the Oscar goes, and the Oscar goes, and the Oscar goes, and the Oscar goes. Et oui, les Oscars qui vont nous permettre de nous rendre compte que, bah, encore une fois, Tom Cruise sait s'entourer de gens. Et oui. De gens. Alors après, ça ne veut pas dire que tu as un Oscar, que tu es le plus talentueux, mais ça veut dire qu'en tout cas, a priori, dans le système hollywoodien, tu es reconnu à un moment ou à un autre. C'est souvent des gens qui ont eu des Oscars après. Oui, alors là, non, c'était avant. C'est Brad, là, tout ce que je sais avant. Et oui, Brad Bird. Brad Bird a deux Oscars. Hein. Il a eu quoi? Les Indestructibles et Ratatouille. Ah ouais, Ratatouille. Ouais. Ouais. Et plus trois nominations pour d'autres trucs, mais je ne me rappelle plus. Ah, il est fort, ce mec. Allez, il y en a d'autres. Hein. Là, j'en ai trois alors, autres. Alors, Jeremy Renner? Non, Jeremy Renner, il a eu deux nominations quand même. Pourquoi? Pour Premier Contact? Non, pour The Town et Des Mineurs. Ah, je ne connais pas. Non, je sais pas. Et Jeremy Renner, qui a avant été agent immobilier à Hollywood. Waouh! Ah, il est un peu la gueule de l'agent immobilier. C'est comme ça qu'il est devenu acteur, il paraît. Je ne sais pas si c'est une rumeur ou quoi, mais c'est le truc qui tourne. Allez, il en manque trois, et ce n'est pas des acteurs. Les acteurs. C'est les musiques. Musique, oui. Michael Giacchino. Giacchino. Je ne sais pas. Il ne doit sûrement pas comme ça. C'est Giacchino en italien, mais c'est sûrement pas ça. C'est un américain. Oui, il a eu un Oscar pour Up, là-haut, le Pixar. Oh, trop bien. Ouais, ça, c'est fort. C'est trop bien, ok. Allez, il m'en manque deux. Oh là, montage. Montage, tout à fait. Bah oui, ils sont trop forts. Hein, bah, ouais. Paul Hirsch, qui a eu un Oscar du montage sur Star Wars. Wow. C'est-à-dire que ce monsieur ne doit pas être tout jeune, tout jeune. Mais que bon, il magnifique. Sait faire quelque chose parce que Star Wars, sans un bon monteur, ça ne marche pas. Ouais, et après? Et un dernier. Son? Ouais, non. C'est quoi, déco? Non. Bah, je sais pas. Photo. C'est un comédien photo. Ah, photo. Le Rob Elswit, pareil, qui est un vétéran du métier, qui a fait la photo de There Will Be Blood. Ah, oh, interesting. Interesting, interesting. Interesting. Les sous-sous, ouais. Ça a coûté... Cher. Ça a coûté cher. Ça a coûté, je crois, moins cher que le 3. Je, faut que je vérifie, mais il me semble que ça a coûté... Ouais, le 3, il a coûté 150 millions de dollars, bien sûr. Dollars. Celui-ci en a coûté que 145, c'est quand même beaucoup. Quand même, Et par contre, il en a rapporté quand même un bon paquet parce qu'au moment 300. Où il sort, ce film-là, c'est le film qui a le plus rapporté de Tom Cruise. Et alors, c'est combien? Tu dis combien, toi? On a 300, un budget de 145 000. Tu dis 300? Plus que 300. Oh, largement plus. Ah ouais, ouais. Tu peux doubler et aller au-delà. 700 695 millions de dollars. Waouh. C'est énorme. Hein. C'est énorme. C'est énormissime. C'est donc que du coup, à ce moment-là, le Mission Impossible qui rapporte le plus, ce sera dépassé plus tard, mais par Fallout, mais de pas grand-chose. Ouais. C'est ouf. C'est énorme. C'est un gros succès. Alors qu'il n'est pas très reconnu en ce moment dans sa carrière, mais par contre, le public est là. Quoi. C'est fou, hein. Et eh bien, du coup, parlons-en de ce monsieur qui n'est pas reconnu dans sa carrière. Ouais. Est-ce que finalement. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas le retour, quoi. Oui. Moi, je me dis, avec ce film-là, oui, après, avant, après, bof, je sais pas. Mais c'est sûr que là, il fait un truc qui cartonne, qui est super bien. Il relance. Surtout après la Mission Impossible 3, qui n'avait pas trop marché, qui n'était pas super bien accueilli. Celui-là a relancé largement le truc. Peut-être qu'il devait se faire virer. Tu dis, ils ont mis Jeremy Renner cas où. Au cas où ils partent. Ouais. Oui, mais ils partent. Est-ce qu'ils devaient partir vraiment? Est-ce qu'ils voulaient qu'ils dégagent? Là, il arrive à garder quand même la vedette. C'est sacré exploit, le mec. Non, et puis là, je pense, tu vois, c'est assez rigolo avec ce qu'on a vu il y a deux semaines, donc avec Night and Day, etc. Il y a un truc où je pense que pour lui, ça y est. Ouais, il a digéré les échecs, il a digéré l'après-guerre des mondes et les films moyens qui n'ont pas trop marché, Valkyrie, tous ces trucs-là. Là, je pense qu'il a un truc un peu libéré. Ouais, il relance ça. Et du coup. La formule Mission Impossible remodelée différemment, où il est peut-être il est important, mais peut-être un peu moins central, qu'il arrive à plus trouver l'équilibre. Ouais. Ça doit jouer, quoi. Et il est méga baraque dans ses films. Et il est en forme, là. Wow. Putain. Non, mais t'as vu les torses, la première scène dans la prison, j'étais waouh, j'ai jamais vu autant d'épaules. Il a un truc, il est immense, quoi. Ah, ben parce que là, il est au top. Là, les années 2010, c'est là où vraiment, au niveau cascade, c'est. c'est tout, il fait tout ouais, et des trucs de plus en plus balèzes, quoi. Ouais. Parce que là, l'escalade de la tour, alors oui, on sait qu'il fait de l'escalade depuis un moment, et puis que quand il se met à faire un truc, il est un peu obsessionnel, donc je pense ouais, que... C'est pas la même. C'est pas comme quand toi, tu te dis, ouais, cette année, je vais faire de l'escalade, et tu y vas deux fois, et puis en fait, t'as niqué ton abonnement. Lui, il se dit, je vais faire de l'escalade, il passe 5 ans dessus, en faisant 6 heures par jour. Et je pense que c'est ça qui l'a sauvé aussi, c'est que là, ça commence aussi les cascades, mais des ouf malades. Il ouais. en avait déjà fait quelques-unes avant, mais là, je pense que tous les premières pages des journaux, ça devait parler de ça, quoi, de l'escalade du bâtiment, des images qui ont été tournées, et qui du coup, ça, c'est que lui qui peut le faire. Oui. Je sais pas, il y a un truc aussi où il a pris le... Il y a un truc déjà où ça se fait, où on arrive dans une période où c'est beaucoup le fond vert et beaucoup les incrustations, et que lui... Il est encore un des derniers à faire du live. Enfin, oui. Et les cascades qu'il fait lui-même aussi. Il n'y en a plus qui le font. Ah, mais c'est ouf. Hein. Et il trust ce truc-là. Et effectivement, mine de rien, c'est ce que tu dis. Hein. Ça fait que et rien que pour ça, il va rester dans l'inconscient collectif. Je pense que c'est ça. Parce qu'en plus, il commence à vieillir quand même. Là, il a 50 ans quand même. Ouais, quand ça. Il fait... Donc pour regarder Itanante, machin truc... Bon, après, nous sommes 10 ans après. Je sais, mais je veux dire, quand tu n'as pas créé ton... En fait, là, il pouvait tout à fait sauter pour aller récupérer un mec qui était plus jeune, oui. qui était plus performant, plus en forme et tout. Les gars, ils restent quand même... Ils essayent de se garder dans cette forme-là et faire des cascades des ouf. Je pense, pour garder aussi son pouvoir, de dire non, ça c'est à moi. Et c'est possible. Et si vous n'avez pas moi, c'est foutu. Et oui, ça marche. Parce peut-être que effectivement, ce truc de Jeremy Renner, peut-être que la presse s'est dit on le met, on écrit pour qu'au cas où il soit là. Peut-être qu'il a dû se dire bah, ok, vous l'avez embauché pour rien du coup, les gars. Ouais, je c'est vous dis ça. De moi, suite, je pense, moi je suis là pour un moment. Ouais, ouais. C'est possible. Quel ego, c'est impressionnant. Ben, normal, si tu ne veux pas te faire bouffer. Ouais. Non, mais... j'avais une anecdote assez rigolote sur Tom Cruise. Le kill count, tu sais, le nombre de personnes tuées dans le film. Et alors ? Dans ce film, il y en a 42 personnes qui sont tuées. C'est pas ouf. C'est moins qu'un James Bond avec Daniel Craig, par exemple. Et il en a tué moins que dans Night and Day. Dans Night and Day, je sais plus si je l'ai regardé dans Night and Day, mais ouais, dans Night and Day, il a tué 43 personnes. Et dans Mission Impossible, donc il y a 42 personnes tuées, mais combien Tom Cruise tue-t-il de personnes ? Ah, moins, beaucoup moins. Beaucoup moins. Mais genre personne, peut-être. Une personne. Ah, c'est qui Bah, Cobalt. Cobalt. Et encore. Non, Cobalt, il se tue tout seul. C'est lui qui se jette. Et c'est qui le tue Qu'est-ce qui tue Bah, du coup, oui. Ah, peut-être c'est Cobalt qui est considéré comme tué par Tom Cruise. Mais... Des ouf. Et ouais. Mais on peut être espion et tuer personne. Non, mais et c'est trop bien. Moi, je trouve ça génial de faire ça. Ouais. Cool. Ok. Voilà, bravo. Belle anecdote. Je sais pas. C'est intéressant. Et alors après, du coup, pour continuer, pour dire le retour en grâce finalement qui s'amorce. Mine de rien. C'est pas gagné. On va pas s'enflammer. Non. Il s'amorce. Pour nous, Night and Day a validé un truc quand même de ok, maintenant on peut s'amuser sur faire des films machin. Celui-là s'est dit ok, Mission Impossible, c'est une franchise, on va falloir compter dessus parce que là, ce film-là, il remet bien. Ouais. Les notes Rotten Tomatoes, 94%. Et ouais, non, mais c'est ouf. Ça a été un carton vraiment plébiscite où tout le monde le dit, la formule elle est hyper bien aboutie, la mise en scène elle est top, les cascades sont fous, sont complètement folles, c'est de l'action débridée, c'est hyper généreux, donc bon, voilà, allons-y quoi. Ouais. Et même Allociné, les spectateurs, 3,9 sur 5, ils adorent, c'est ils adorent, bien, ils adorent français. Les Français, ils adorent. Mais qui est-ce qui adore? On va savoir ça de suite dans notre date du... C'est l'heure du coup aux auditeurs. Eh oui. Est-ce que là, Rotten Tomatoes, tout ça, mais est-ce que nous, on va aussi haut que Rotten Tomatoes, qui est, je rappelle, à 94%, avec ce film pas facile à noter toujours. Ben là, plus ça avance, plus c'est difficile, mais... Moi, j'ai vraiment du mal. J'arrive pas... Tu n'arrives pas. Moi, j'avais mis peu dans ma petite chambre. Mais à force pourquoi d'en t'avais parler... mis peu? J'avais mis autour de 45%. Ah ouais. Ouais. J'avais pas mis beaucoup parce que je me suis dite que je trouvais que c'était pas encore suffisamment puissant comme ce qui va se produire. Mais c'est vrai que c'est un schéma et qu'il est vraiment bien et que j'ai vraiment kiffé de le voir et tout. Tu vois, c'est pas tant ça, mais je me disais peut-être c'est pas mon... Je sais pas. Il y avait un truc qui me convainquait pas. pas tant que ça, quoi. De me dire, oui, bon, il a relancé Mission Impossible, mais c'est pas encore le Mission Impossible qui tu dis, waouh, là, ok, d'accord. Ouais, parce que l'équipe... Mais je suis plus sensible à l'histoire que finalement... Mais par contre, au niveau de l'impact, ce film, finalement, tu te dis, bah, celui-là, ça fait qu'il redevient crédible au moins pour Mission Impossible. Mais complètement. Il va quand même faire des bons films aussi. Et en tout cas, avec celui-là, la formule de Mission Impossible, c'est parti. Non, mais complètement. C'est pour ça que je dis, je vais changer ma note, parce qu'en disant ça, en voyant les sous tout ce que tu m'as dit... En discutant, je me dis, mais non, mais beaucoup plus. Alors, combien? Parce que tu vois, quand on se disait, le premier Mission Impossible, au-delà d'être un super film avec Brian De Palma, il crée, même si ce n'est pas encore exactement et ce n'est pas la forme, il crée sa franchise qui va l'emmener jusqu'à encore maintenant. Il a ses creux, etc. Vrai. Et est-ce que Ghost Protocol, ce n'est pas le film qui le fait sortir la tête de l'eau déjà? Parce que Night and Day, ça a marché, mais pas suffisamment pour dire il redevient incrédible, quoi. Celui-là, pense celui-là, c'est la star, quoi. Attends, 5 millions à 600 millions, je pense qu'il redevient important à Hollywood. Et là, tu fais... Après, quand tu vois que Night and Day, qui est un film entre guillemets raté, rapporte déjà 250 millions, bon... Oui, c'est sûr. Mais du coup, c'est beaucoup bien raté comme Tom Cruise. Du coup, j'avais presque envie de dire 80, tu vois. J'ai envie de monter au double, quoi. Ah bah, tu peux. Moi, j'ai mis 81. Ouais, voilà. Parce alors, que je mets 79. J'avais mis 81 pour... je ne sais plus par rapport à quelle note je m'étais dit, pas que je sois trop loin. C'était juste en dessous de la Gare des Monts des Rain Man. Ouais, d'accord. Tu vois, dans ces eaux-là, parce qu'il y a cet impact-là un peu, quoi. Oui, c'est vrai. Ça doit être juste au-dessus de Né un 4 juillet, pour moi, un truc. En termes d'impact, il y a un truc qui n'est pas loin de là, quoi. Carrément. Non, mais c'est sûr qu'il y a un impact... Il est puissant. Et c'est un très, très 79, bon. Comme ça, on fait 80. 79, comme ça. Comme ça, j'ai pas besoin de calculer. Un truc qui est en fait facile à calculer. Très bien. Je me suis trompé de page. J'ai mis des notes au mauvais film. Que ça ne sera pas du tout ça. Il faut pas du tout que je fasse ça, là. Parce que là, je suis en train de faire n'importe quoi. Ouais. Alors, du coup, on est avec un Ghost Protocol qui monte à 80%. Ouais. C'est énorme. Ça va le faire monter. Plus, peut-être. Ça va le faire monter au-dessus de Tonnerre sous les Tropiques, normalement. Ah bah oui, non mais si. Il va être vers Né un 4 juillet, un truc comme ça. Ouais. Donc ça, bravo Tom Cruise. Bravo Tom. Mais tout ceci nous amène à une petite question. Why is Tom Cruise always running? Why is Tom Cruise always named Jack? Rock climb. Why did Tom Cruise and Tom Cruise and Tom Cruise fly a helicopter? Tom Cruise. Did Tom Cruise really hang off the plane? And Tom Cruise hold his breath for 6 minutes. Et la question du jour pour Serena. Ouais, ça m'a fait trop rire ce jingle, je l'adore. Ah, mais on essaye de s'y habituer, il est nouveau, donc on, voilà. T'as fait un super taf. Alors, je l'ai noté, je sais. Bon, on va essayer de remettre ça dans le contexte. Le Tom Cruise d'il y a 10 ans, donc de l'année de Ghost Protocol 2012, est-il si différent de celui d'aujourd'hui, 2022? Absolument oui. Ah, voilà. Ah, parce que tu vois, je me suis dit ça. Je me suis dit, quand j'ai revu le film, je me suis dit, mais c'est marrant. Je trouve qu'il y a, il est un peu dans le même type de, enfin, je trouve un peu comme on le retrouve dans les films récents, Fallout, Maverick, tout ça. Je me dis, est-ce qu'en fait, finalement, on a l'impression qu'il renaît actuellement en 2022, alors que peut-être en fait depuis 10 ans, il est déjà dans ce même rôle. Interesting. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois tout. Au début, pour moi, c'était clair que il y avait une renaissance en 2022, et en fait, je me dis non, est-ce que le début de la renaissance n'allait pas amorcer? En 2012. C'est déjà pas entamé un peu plus tôt. C'est ça. Moi, je dois dire que c'est Tom Cruise aux cheveux longs. À toi, c'est sur le physique, c'est un truc. Non, mais, qui... non, mais c'est symbole aussi d'une époque d'entretien et tout ça. Ces petits, les casquets là. Ouais. Je le relis vraiment en Tom Cruise un peu antipathique. Ouais. Dans le sens, à Renaissance, mais un peu en mode. Ouais, c'est moi les boss. Ah, c'est celui de Vanilla Sky, un peu. Ouais, un peu. Je peux. Moi, je suis un peu. Je vais vous faire voir, mais un peu. Pour moi, il lâche pas complètement encore. Oui, il est vexé. Il est vexé dans son orgueil. Aujourd'hui, je dirais, bon, il a fait sa carrière. Il sait très bien là où il est. Il est peut-être malin dans ce qu'il fait, mais il a plus lâché. Et d'ailleurs, tu l'appelais Papy Tom. Ouais, Papy Cinéma. Et c'est vrai que maintenant, il est un peu comme ça. Tu le vois publiquement. Il est plus. Là, à l'époque, je le trouve un peu arrogant à l'extérieur. Mmh. Tu vois, un peu. Bon. Ouais, ouais. C'est léger. Hein. Après, on ne sait rien de ce qui se passe. Mais je me sens un peu orgueilleux. OK. Il voilà. encore, il a, tu penses qu'il est encore ouais, dans le truc où il, bah, il a des trucs pas à prouver. Encore, déjà, il n'a pas encore vraiment passé les caps, ouais. je pense. Ça ne va pas tarder, mais je veux dire, ce n'est pas encore fait. Et ces débuts-là, la fin des 2000, début 2010, c'est quand même des sables mouvants. Oui, oui, oui. Je trouve qu'il n'est pas quand... relaxé. Bon. Oui, et puis même le fait qu'il ne soit pas encore complètement incontestable sur un film qu'il est censé ouais. porter. Ouais, et en plus, la Scientologie qui est toujours quand même pas loin. Ouais, voilà, normalement, c'est bon. Depuis 2010, en tout cas, c'est vraiment la période où il n'en parle plus du tout. D'accord, ok. Non, je sais pas si. Quand est-ce qu'il se sépare de Cathy Holmes, mais ça doit être dans ces eaux-là. Ah bon ? Non, c'est plus tard, non ? Je pense que c'est dans ces eaux-là parce que. Ouais. Ouais, ça doit être ça à peu près. D'ailleurs, on n'a pas trop parlé de sa relation avec Cathy Holmes, mais. Bah, parce qu'on a l'impression qu'elle n'existe pas, quoi. Ouais, cette relation. C'est très bizarre. Bon, bah, Cathy Holmes, mais sa carrière quasiment entre parenthèses. Ouais, c'est très bizarre. On verra. Peut-être qu'un jour, on fera un épisode spécial People, tout ça. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai aussi, qui est quand même, c'est peut-être un processus qui est plus long qu'un an film. Ça s'est fait sur plusieurs années, plusieurs succès au box-office, en tout cas à l'intérieur d'Hollywood. Mmh. Et que là, il a commencé un truc... Peut-être qu'on s'en rend vraiment compte, parce que c'est flagrant là, avec Maverick, avec parce qu'il le dit différemment, mais qu'en fait, cette stratégie, on va dire, ou en tout cas cette manière de se présenter, elle est peut-être déjà là, dès ce moment-là. Mais ouais, bon. Peut-être, ouais, carrément. Bon, après, ça on dit ça, nous, parce que nous, ça fait que 3 ans qu'on s'intéresse à Tom Cruise. Avant, on ne savait pas trop. Mais peut-être qu'il y a des gens, déjà, il y a 10 ans, ils savaient, tu vois. Oui, oui, oui, voilà. Complètement. Mais après, c'est très difficile de le voir dans une carrière. Nous, on a la chance d'être... Oui, on est quand même bientôt... Là, on se faisait la réflexion tout à l'heure en mangeant. On se disait, mais bientôt, on va pouvoir dire ben, en fait, moi, j'ai vu tous les films de Tom Cruise. C'est ouf. Je les ai tous vus. Et ça, c'est un bon exploit. Et on se demandait si on allait le mettre sur notre CV ou pas. On va voir. Là, c'est un peu, ça dépend ce qu'on cherche comme travail. Comme travail. Voilà. Voilà. Alors. Après tous ces petits blablabla, est-ce qu'on a des recommandations ? Serena. Oui. Ah, tu as plein de recommandations. Non, j'en ai qu'une, mais je suis très contente. Mais elle est belle. Je suis enfin. Attends, j'ai vu au cinéma Everything Everywhere at Once. C'est trop bien. C'est bien. Tu l'as vu au ciné ? Ouais. Ah ouais. Ça tue. Mais en fait, j'ai vu d'abord sur l'ordi, après au ciné. Ah merde. Parce que non, mais c'est trop bien. Et je suis trop contente de l'avoir vu deux fois. D'accord. Mais c'est génial. C'est moi, j'ai réussi à le voir au ciné aussi. C'est ouf quand même. C'est hyper cool, ouais. Bon, voilà, je veux rien dire pour rien spoiler. Mais c'est compliqué, ouais, de raconter sans spoiler. C'est hyper difficile. Par contre, la bande-annonce, je trouve, elle est géniale parce que tu t'attends pas du tout. C'est que je trouve qu'il y a plein de En tout cas, les premières versions des bandes-annonces, elles sont vraiment bien. Donc, tu peux le regarder un tout petit peu pour avoir une idée sans regarder trop. Ouais. Mais ça ne va pas spoiler le centre du film, quoi. Ouais, oui, et puis surtout, il y a un truc qui est vraiment très profond dans ce film que tu c'est vois génial. Vraiment que sur la longueur. Et que je pense que même si tu racontes le premier quart d'heure, tu ne peux pas spoiler non, ça. Non, mais c'est vraiment... Il y a tout, quoi. Bon, après, on pourrait en parler pendant des heures. Mais super comédien, des mythes absolus avec des super mise en scène. Un truc de malade, un scénario de malade, des costumes de ouf. C'est génial. Trop bien. Okay. Donc, regardez un rapport si avec Mission... Non, juste, t'avais envie d'action. Absolument... Ah, action. Non, ouais, je c'est me vrai. Suis dit, dans les bagarres et tout. Ah ouais, c'est franchement... Vrai. Non, mais les bagarres dans ces films sont dingues. Et si ça se lit, moi je pense que tu peux avoir rien aussi dans la mise en scène maîtrisée, dans l'inventivité du non, truc. Non, mais grave. C'est hyper malin. C'est hyper malin. Bien mise en scène. Et il faut dire que les comédiens aussi, c'est des putains de. Cascadeurs. Oui, cascadeurs, mais en tout cas, ils ont fait. C'est des ceintures noires de taekwondo. Ils ont fait tout. Tout, et c'est vraiment jouissif à regarder parce qu'il n'y a pas tant de comédiens qui peuvent faire ça, et surtout les bagarres, c'est génial. Non, mais c'est vraiment fantastique. Et il y a quand même la star déchue, c'est le père de famille, c'est quand même les gamins des Goonies. Ah oui, c'est vrai. Et de Indiana Jones. Qui n'a plus rien fait, qui maintenant il se retrouve après 40 ans à faire le blockbuster indie. Non, mais il a tout. C'est génial. Voilà ce que j'avais envie de conseiller. Bon, bah, Everything, Everywhere, All at Once. Ouais, non, mais absolument. À voir. On n'est pas raté. Je sais pas, peut-être il est encore un peu au ciné. Il est resté longtemps finalement. Il est resté longtemps après. Après, il est sorti un moment. Bon, il va bientôt sortir en DVD. Non, mais absolument. Mais moi, je vais tout acheter. J'ai vu tous les making-of. Non, mais ça m'a rendu dingue, quoi. J'ai vu tous les entretiens des comédiens, des réalisateurs et tout. Mais, et en plus, ces deux réalisateurs, ils sont absolument incroyables. Ils font que des trucs que je trouve géniaux. Bon, bref. Bon, ben voilà. C'est le coup de cœur de l'année pour de l'année. Ouais, absolument. Et toi? Du coup, ça va être un peu plus tard. Bon. Non, c'était sur. Ça fait un moment que je cherchais comment le recommander. C'est une série animée japonaise qui est sur Netflix qui s'appelle Great Pretender. Je connais pas. The Great Pretender. C'est l'histoire d'un gars qui est japonais, qui est un voleur, qui est un escroc, un petit escroc, tu vois, qui fait des petites arnaques. Et qui un jour, en fait, pense arnaquer un Français qui est en voyage au Japon. Et en fait, c'est ce Français qui l'a arnaqué et qui va l'emmener avec lui dans des énormes arnaques, en fait. Et il y a, en gros, il y a quatre affaires. Enfin, il dit il y a quatre grands coups, en fait, qu'ils vont faire. Et c'est un espèce de truc un peu Ocean's Eleven, tu vois, où ils mettent toute une bande qui est complètement cassée. Et ils vont monter un énorme coup pour escroquer quelqu'un, mais c'est toujours un peu à la Robin des Bois, tu vois. On va escroquer des mecs qui ont escroqué des gens, tu vois. Ouais. Et il y a un peu cette ambiance, on fait une fausse chambre pour faire croire que le mec il rentre dans un endroit alors qu'en fait, un peu à la mission. Et il y a ce truc un peu de bande à la Mission Impossible, en fait. Trop bien. Hyper drôle. Et puis avec des twists, qui trompe qui. Enfin, il y a un truc d'espionnage aussi dans les doubles agents. J'adore les trucs d'arnaque, c'est trop bien. Et ça marche super bien. L'animation, elle est top. Enfin, c'est les studios d'animation qui ont fait l'Attaque des Titans. Ouais. Et l'animation est super bien, c'est très classe, les arrière-plans sont magnifiques. Enfin, comment ça s'appelle du coup? Great Pretender. Et la chanson, c'est la version chantée par Freddie Mercury de Great Pretender. Oh. Donc c'est assez marrant. Classe. Et vraiment, classe. Ça, et c'est sorti à un bon moment. En fait, moi, j'ai vu il y a 2 ans, je crois. Il y a plusieurs épisodes, du coup, c'est une série. Ouais. Sur Netflix, ils l'ont découpé en 2 saisons. Ah, cool. Mais en gros, t'as 4 ou 5 à faire comme ça. C'est vraiment cool. Bien, trop bien. Great Pretender, les gars. Ouais, faut regarder ça. Et puis regarder Everything Everywhere All At Once. Absolument. Peut-être les deux meilleures recommandations de l'année. Je pense que moi, c'est vraiment une des trucs meilleurs que j'ai vu là dernièrement. C'était fou. C'était fou. Complètement fou. Bref. Allez. Et oui. Alors, cette fois-ci, c'est la bonne. On va se quitter, malheureusement. On va se quitter pour mieux se retrouver dans 2 semaines. Avec. On va savoir pourquoi ça va être mieux dans 2 semaines. Non, ça va pas forcément être mieux. Non. Ce qui va être mieux, c'est de se retrouver. Oui. Ce qui va peut-être être moins bien, c'est le film. Parce qu'on va parler de Rock of Ages de Adam Shankman dans 2 semaines. Oui. Particulier. Film comédie musicale avec Tom Cruise. Ben voilà, on à se retrouve voir. Dans 2 semaines. Hein. Pourquoi pas, après ben tout. Oui. Hein ben regardez-le. On verra bien, regardez-le. Ouais. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, @cruzometer. Vous pouvez aller sur notre site internet, cruisecontrol.car.co, pour retrouver tous les épisodes. Vous pouvez en parler à votre voisin, votre voisine, tous les gens qui vous entourent. Mettre des étoiles. Vous mettez des étoiles là où il faut mettre des étoiles. Vous nous donnez des étoiles si nous vous croisez. Oui. Puis voilà, après, je sais pas, répandez l'amour autour de vous. je sais pas quoi dire de plus. Vous allez sur le catalogue de PodCloud qui sont nos hébergeurs. Il y a plein d'autres podcasts. Si vous avez pas aimé celui-là, par exemple, que vous dites, il y en a plein d'autres. Il y en a d'autres, franchement. Ouais, vous embêtez pas avec nous, c'est pas grave. Non. C'est raté. Ne nous le dites même pas. Allez-y, ciao. Ouais, voilà. On vous en voudra pas parce qu'on vous connaît pas. Et ben voilà, on se retrouve dans 2 semaines. Absolument. Allez, des bisous. Bisous.